à jamais par le mal féminin. Les filles sont toutes des grosses salopes. Elles alimentent ton chagrin. Et te font survivre aux psychotropes. Elles nous embrassent le lundi. Elles nous quittent le mardi. Les grosses salopes. Qu'elle soit végane ou bien mégane, qu'elle soit vilaine ou bien yolaine, il n'y a aucun jeu de mots qui tienne. Elle rime toute avec la haine. Elle nous embrasse le lundi. Elle nous quitte le mardi. Les grosses salopes. Ton meilleur ami.